Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 119e émission de Rock de Neurones sur les ondes de CIFU FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde et du choix musical. Et j'aimerais saluer aussi Denis Marchand qui a fait parvenir ses commentaires sur l'émission de la semaine dernière. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Trevor Harmonic d'Argentine, Laquesis d'Argentine, Tempano du Venezuela, Ginetes Negros d'Argentine, Mantra Vega d'Angleterre, Mad Fellas d'Italie, Arabs in Aspic de Norvège, Traumhaus d'Allemagne, Onk des Pays-Bas, Jeff Green Project d'Irlande et en fin d'émission, en position 7 du palmarès Rock de Neurone des meilleurs albums rock progressif de tous les temps, nous aurons Dark Side of the Moon avec Pink Floyd. Alors, on débute le premier bloc avec un contenu complètement sud-américain, avec la formation en début Trevor Harmonic, qui est une formation argentine. Et ils ont un album paru en 2014. L'album s'intitule « Eleazar » et on va entendre la pièce titre. Ça sera suivi de Laquesis, une autre formation argentine, avec un extrait de l'album éponyme qui est paru en 2013. La pièce s'intitule « Tema X ». Ça sera suivi de formation vénézuélienne de Tempano avec Victoria Pirica, extrait de « Selective Memory ». Je souligne ici que Tempano a 9 albums studio d'enregistrer et ce qu'on va entendre, c'est extrait du dernier qui est paru en 2008. Et on va conclure le bloc avec Ginetes Negros, une formation encore d'Argentine, et avec un extrait par contre d'une compilation Decameron, une compilation qui a été faite avec plusieurs artistes, une compilation de 4 CD. Alors, ce ne sera pas un extrait d'un album studio du groupe qui en compte 4, en fait, et le dernier étant en 2013. Mais ce qu'on va entendre, c'est un extrait de Decameron, la 6e fable de Six Tale, et c'est paru en 2014. Alors, on débute ça avec Trevor Harmonic. Eleazar se escapó del clamor de la ciudad. Llegando algo raro percibió como un sentimiento de que algo anda mal. Con un pueblo en ruinas se encontró como un gran templo que lo dejaron atrás, que lo dejaron atrás. Thank you. Rogers Central. En medio del silencio se escuchó un suave murmullo, como una misa sepulcral. Miradas escondidas advirtió entre las sombras de quién es él y quién es él. We'll be right back. Thank you. ilusión, solo que jamás sabrás que ni cuándo se escribió. Si estás vivo soñarás y confundirás verdad y sueño, sueño. Alors, c'était Ginettes Negros d'Argentine avec la pièce Six Tales. Et c'est extrait de la compilation Decameron qui est parue en 2014. Auparavant, on avait Tampano du Venezuela avec la pièce Victoria Pirica. Et c'est extrait de Selective Memory, paru en 2010. On avait auparavant Lachesis, une autre formation d'Argentine, avec la pièce Tema X. Et c'est tiré de l'album éponyme, paru en 2013. Et on a débuté le bloc avec Trevor Harmonic et la pièce-titre de l'album Eleazar, paru en 2014. Après la pause, Mantra Vega, Mad Fellas et Arabs in As. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On débute le deuxième bloc de l'émission avec une nouvelle formation du nom de Mantra Vega. C'est une formation qui regroupe plusieurs musiciens chevronnés qu'on connaît pour leur participation à d'autres groupes. Et on parle entre autres de Heather Findlay, qui est la chanteuse du groupe Mostly Autumn, et aussi de Panic Room. On a Dave Kirzner, le claviériste de Sound of Contact. On a aussi Dave Kilminster, qu'on a vu cet été comme guitariste avec la formation, en fait, au spectacle de Steven Wilson. Il a aussi participé à la tournée The Wall avec Roger Waters. On a aussi, qui fait partie de ce groupe-là, Arjen Lucassen de la formation néerlandaise Arion. Alors, on va entendre la pièce. C'est tiré de l'album, vient tout juste de paraître. L'album s'intitule The Illusions Reckoning et on va entendre la pièce titre. Ça va être suivi de Mad Fellas, une formation italienne qui en est rendue à son deuxième album qui est paru la semaine dernière. L'album s'intitule tout simplement Mad Fellas 2. Et on va entendre la pièce Blood Pressure Part 2. Et en fin de bloc, nous aurons la formation norvégienne de Arabs in Aspic qui viennent de faire paraître leur quatrième album studio. L'album s'intitule Victim of Your Father's Agony. Et ce qu'on va entendre, c'est tiré de cet album-là, c'est Flight of the Halibut. Alors on débute ça avec Mantra Vega. Yeah. Alors, vous venez d'entendre les Norvégiens Arabs in Aspic avec la pièce Flight of the Halibut, et c'est extrait de leur plus récent album Victim of Your Father's Agony. Ça a été précédé de Mad Fellas d'Italie avec la pièce Blood Pressure Part 2. C'est extrait de l'album qui vient tout juste de paraître, Mad Fellas 2. Et en début de bloc, nous avions les Britanniques Mantra Vega avec la pièce titre de l'album The Illusion's Reckoning. Après la pause, Trom House et Unk. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission et on va débuter ça avec une formation allemande, Trom House, qui sont actifs depuis le début de 2000 et ils ont trois albums studio à leur actif. Et on va entendre une pièce tirée de leur dernier album « Das Geheimnis » qui est paru en 2013. Et on va enchaîner avec une nouveauté de la formation. Ben, c'est une nouveauté sur CD. La version numérique a été rendue disponible en janvier 2014, déjà un an, en fait deux ans. Et la formation, ça vient du Pays-Bas et le nom c'est « Onk ». Alors, on va entendre une pièce extraite de leur seul album paru à date. Alors, on débute ça avec Trom House. Auf der Suche nach Vergangen führt dein Weg dorthin zurück. Siehst die Scherben, die sich türmen, Zeugen von falschem Glück. Sind es die anderen, die dich tragen, oder trägst du dich selbst? Du erträgst ihre Worte, doch spürst, wie du fällst. Nur ein Wort, alles Dinge, die dir sind. Lehnst dich auf, stellst dich gegen diesen Wind, diesen Wind, diesen Wind. In den Tiefen weit verborgen, dein Geheimnis unerkannt, steht vor den noch verschlossenen Pforten, in die Stille verbannt. Siehst nicht, was andere um dich sehen, und schon gar nicht dich selbst. Schaust in einen leeren Spiegel und spürst, wie du fällst. Nur ein Wort, alles Dinge, die dir sind. Lehnst dich auf, stellst dich gegen diesen Wind, diesen Wind, diesen Wind. Thank you. Zeichen, die entscheiden und dich führen. deine Zeit gewinnen und verlieren, finden und entfremden, weiterziehen. Deine Zeit, Sekunden, die dich ziehen, Zeichen, die entscheiden und dich führen. Deine Zeit, gewinnen und verlieren, finden und entfremden, weiterziehen. Actuellement, direction de Paris, il y a un accident, un accident. Les presses

Alors, c'était des Pays-Bas, le groupe Onk, avec la pièce Borderlines, et c'est extrait de Traveler, qui est paru début 2014. Et on a entendu auparavant la formation allemande Traumhaus, avec la pièce Das Vermächtnis, et c'est extrait de Das Geheimnis, qui est paru en 2013. Après la pause, Jeff Green Project et Pink Floyd. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On est déjà rendu au quatrième bloc et dernier bloc de l'émission et on va entendre une formation irlandaise. C'est peu fréquent qu'on a des groupes d'Irlande et ici on parle de Jeff Green, qui est un musicien qui est actif depuis le début des années 80, mais en solo, il y a deux albums, un en 2009 et un en 2014, et c'est extrait de Elder Creek, qui est paru en 2014, qu'on va entendre la pièce Theseus Falls. Et on va conclure l'émission avec un extrait, en fait quatre extraits de l'album The Dark Side of the Moon. C'est l'album qui est en position 7 du palmarès Rock de Neurone des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et on va entendre Us and Them jusqu'à Eclipse. Alors voici en début Jeff Green Project. Yeah. Oh,